Cette expression a pour objet de nous préparer à la prière. Elle peut se rapporter à la facilité de Dieu à entendre notre prière, du fait de sa proximité par rapport à nous. Et en troisième lieu, elle peut se rapporter à la toute-puissance du Père pour nous exaucer. Puis nous verrons dans un second mouvement que ces paroles adressées à notre Père nous donnent au moment de la prière un triple motif de confiance. Confiance qui repose sur sa puissance, si par les cieux, nous entendons les cieux matériels et visibles. Sur ce qu'il est présent intimement en nous et dans les saints qui nous font bénéficier de leur patronage. Et enfin, sur la convenance de notre demande, car les cieux désignent les biens spirituels et éternels, objets de la béatitude. Brève introduction. Parmi les dispositions nécessaires à celui qui prie, la confiance a une importance considérable. Que celui qui fait une demande à Dieu, dit en effet saint Jacques, la lui adresse avec foi, sans hésitation aucune. Le Seigneur, au début de l'oraison qui nous a enseignée, expose les motifs qui font naître la confiance. C'est d'abord la bienveillance du Père. Aussi le Seigneur dit-il « Notre Père ». Si vous, dit le même Seigneur en saint Luc, tout mauvais que vous êtes, savez donner à vos fils de bonnes choses, combien plus votre Père céleste vous donnera du haut du ciel, à vous qui le lui demandez, son bon esprit. Un autre motif de confiance, c'est la grandeur de la puissance du Père. Ce qui fait dire au Seigneur, non pas simplement notre Père, mais notre Père qui est dans les cieux. Le psalmiste dit de même à Dieu au psaume 122 « J'ai élevé mes yeux vers vous qui habitez dans les cieux. » Deuxième paragraphe. Le Seigneur a employé l'expression « qui est dans les cieux » pour trois raisons différentes. En premier lieu, cette expression a pour objet de nous préparer à la prière. Comme nous le commande l'Ecclésiastique, « Avant la prière, prépare ton âme. » Assurément, la pensée que notre Père est dans les cieux, c'est-à-dire dans la gloire céleste, nous prépare à lui adresser nos demandes. Dans la promesse du Seigneur à ses apôtres, « Votre récompense sera grande dans les cieux », l'expression « dans les cieux » a également le sens de « dans la gloire céleste ». Trois choses sont ici à considérer. La préparation à la prière se réalise par l'imitation des réalités célestes. Car le Fils doit imiter son Père. Aussi saint Paul écrit-il aux Corinthiens, « Comme nous avons revêtu l'image de l'homme terrestre, il nous faut aussi revêtir l'image de l'homme céleste. » La préparation à la prière requiert aussi la contemplation des choses célestes. Les hommes, en effet, ont coutume de diriger leurs pensées plus fréquemment vers le lieu où est leur Père et où se trouvent les autres êtres objets de leur amour. Suivant cette parole du Seigneur, « Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » C'est pourquoi l'apôtre écrivait aux Philippiens, « Notre demeure à nous est dans les cieux. » La préparation à la prière réclame enfin que nous aspirions aux choses célestes. À celui qui est dans les cieux, en effet, nous ne devons demander que les choses célestes. Suivant ces paroles de saint Paul, « Cherchez les choses d'en haut, là où est le Christ. » En second lieu, les paroles « Notre Père qui êtes aux cieux » peuvent se rapporter à la facilité de Dieu à entendre notre prière, du fait de sa proximité par rapport à nous. Ces paroles « Notre Père qui êtes aux cieux » signifient alors « Notre Père qui êtes dans les saints ». Dieu en effet habite en eux. Jérémie le dit au Seigneur, « Seigneur, vous êtes en nous ». Les saints sont effectivement appelés cieux, d'après ces paroles du psaume 18, « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Or Dieu habite dans les saints par la foi. Saint Paul écrit en effet aux Éphésiens que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il habite également dans les saints par la charité. Celui en effet qui demeure dans la charité, dit Saint Jean, demeure en Dieu et Dieu en lui. Dieu demeure aussi dans les saints par l'accomplissement des commandements. Si quelqu'un m'aime, déclare le Seigneur, il gardera ma parole, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. En troisième et dernier lieu, les paroles qui êtes aux cieux peuvent se rapporter à la toute-puissance du Père pour nous exaucer. Dans ce cas, le mot « cieux » désigne les cieux matériels et visibles. Non que nous voulions signifier que Dieu y soit renfermé, car il est écrit au second livre des Rois, « Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent vous contenir. » Mais ces paroles qui êtes dans les cieux montrent trois choses. Que Dieu, par son regard, est clairvoyant et pénétrant, parce qu'il voit tout de très haut. Il a regardé de sa sainte hauteur, dit le psaume 101. Ces paroles montrent aussi qu'il est sublime dans son pouvoir. Selon cette parole du psaume 102, le Seigneur a disposé son trône dans les cieux. Et enfin, elle montre qu'il est stable dans son éternité. Selon ses autres paroles, « Seigneur, vous demeurez éternellement et vos années n'ont pas de fin. » C'est pourquoi il est dit du Christ au psaume 88, « Son trône est comme le jour du ciel, c'est-à-dire sans fin, comme la durée de ce qui est céleste. » Et le philosophe vient confirmer de son autorité la justesse de cette comparaison lorsqu'il remarque dans son traité « Du ciel » C'est à cause de son incorruptibilité que le ciel a été regardé par tous comme étant la demeure des purs esprits. Dernier paragraphe. Ces paroles adressées à notre Père qui est dans les cieux nous donnent au moment de la prière un triple motif de confiance. Confiance qui repose sur sa puissance, sur l'amitié de ce Dieu que nous invoquons, sur la convenance de notre demande. D'abord, la puissance du Père que nous implorons nous est suggérée par l'expression « qui est dans les cieux ». Si par les cieux, nous entendons les cieux matériels et visibles. Sans doute, Dieu n'est pas renfermé dans ces cieux matériels. Il le dit en Jérémie « Je remplis le ciel et la terre ». On dit toutefois « il est dans les cieux » pour insinuer et la vertu de sa puissance et la sublimité de sa nature. Contre ceux qui affirment tout arrive nécessairement par l'influence des corps célestes, si bien qu'il est inutile de demander quoi que ce soit à Dieu par la prière, une vraie sottise, nous disons à Dieu qui est dans les cieux. Et vous y êtes par la vertu de votre puissance, comme le maître de ces mêmes cieux et des étoiles. Suivant cette parole du psaume 102, le Seigneur a préparé son trône dans le ciel. C'est également contre ceux qui dans leur prière se construisent et se composent des images corporelles de Dieu. Et à leur intention, nous disons « qui est dans les cieux ». De la sorte, par ce qu'il y a de plus élevé dans les choses sensibles, nous leur montrons la sublimité de Dieu, surpassant tellement toute chose, y compris le désir et l'intelligence des hommes, que tout ce que l'on peut penser et désirer est inférieur à Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Job « Dieu est grand et dépasse notre science ». Et le psalmiste écrit « Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations ». Et Isaïe déclare « À qui avez-vous égalé Dieu ?» Plusieurs ont prétendu que Dieu, à cause de son élévation, ne prend pas soin des choses humaines. Il faut au contraire penser qu'il est proche de nous, bien plus qu'il est présent intimement en nous. Et c'est là le second motif de confiance que ces paroles qui êtes dans les cieux nous donnent au moment de la prière. Dieu est présent intimement en nous. Cette familiarité de Dieu avec l'homme nous est signifiée par ces paroles de l'oraison dominicale. À condition de l'entendre ainsi, vous qui êtes dans les saints. Les saints, en effet, sont des cieux. D'après cette parole du psaume 18, les cieux racontent la gloire de Dieu. Il est dit aussi en Jérémie, « Vous êtes en nous, Seigneur ». Cette intimité de Dieu avec les hommes nous inspire deux motifs de confiance quand nous prions le Seigneur. Le premier s'appuie sur cette proximité divine. Le psalmiste l'évoque par ses paroles, « Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent ». C'est pourquoi le Seigneur nous donne cet avertissement, « Pour vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre, c'est-à-dire dans l'intérieur de votre cœur. » Le second motif de confiance repose sur le patronage des saints, par l'intercession desquels nous pouvons obtenir ce que nous demandons. Job dit en effet, « Adressez-vous à quelqu'un des saints. » Et saint Jacques, « Priez les uns pour les autres afin d'être sauvés. » Si en disant au Père Céleste, « Vous qui êtes dans les cieux », nous pensons que les cieux désignent les biens spirituels et éternels, objet de la béatitude, alors notre désir des choses célestes s'enflamme. Et c'est là le troisième motif de confiance au moment de la prière. Notre désir doit en effet tendre là où est notre Père, car là aussi est notre héritage. Saint Paul le dit aux fidèles, « Cherchez les biens d'en haut ». Et saint Pierre nous parle de cet héritage incorruptible qui nous est réservé dans les cieux. La pensée que le Père est notre bien spirituel éternel, l'objet de notre béatitude, nous invite avec force à mener une vie céleste, afin que nous lui devenions conformes. Tel est le céleste, tels aussi seront les célestes, déclare en effet l'apôtre aux Corinthiens. Et ces deux choses, le désir de la béatitude du ciel et une vie céleste, nous disposent incontestablement à bien prier le Seigneur et à lui adresser une oraison digne de sa majesté. Après une brève introduction, saint Thomas d'Aquin a expliqué comment l'expression « qui est dans les cieux » a pour objet de nous préparer à la prière. Se rapporte aussi à la facilité de Dieu à entendre notre prière, du fait de sa proximité par rapport à nous. Et en troisième lieu, comment elle se rapporte à la toute-puissance du Père pour nous exaucer. Ces paroles adressées à notre Père nous donnent au moment de la prière un triple motif de confiance. Confiance qui repose sur sa puissance, si par les cieux, nous entendons les cieux matériels et visibles. Confiance qui repose sur ce qu'il est présent intimement en nous et dans les saints, qui nous font bénéficier de leur patronage. Confiance enfin sur la convenance de notre demande, car les cieux désignent les biens spirituels et éternels, l'objet de la béatitude, le Père, lui-même, qui est notre héritage. Ainsi prend fin la troisième partie de l'explication de saint Thomas d'Aquin sur le Notre Père. Quatrième partie, l'explication de la première demande, « Que votre nom soit sanctifié ». Ce commentaire n'est pas de saint Thomas d'Aquin, mais d'Aldo Brandini de Toscanelle. Telle est la première demande, elle nous fait prier le Père Céleste, que son nom soit en nous, manifesté, et par nous, proclamé. Or le nom de Dieu est tout d'abord admirable, parce qu'en toute créature il opère des œuvres merveilleuses. C'est pourquoi le Seigneur déclare dans l'Évangile « En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront les langues nouvelles, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera aucun mal. » En second lieu, le nom de Dieu est aimable. Il n'est sous le ciel, dit saint Pierre, aucun autre nom parmi ceux qui ont été donnés aux hommes qui puissent nous sauver. Or tous se doivent d'aimer le salut.

n'a plus qu'une âme sèche et aride. Ainsi que le constatait l'auteur du psaume, mon âme, dit-il, est une terre sans eau. Enfin, troisièmement, saint signifie teint de sang. Aussi les saints qui sont dans le ciel sont appelés saints parce qu'ils sont teints de sang. Suivant ces paroles de l'Apocalypse, ceux-là qui sont revêtus de robes blanches sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. De ces bienheureux, il est dit également « Jésus qui nous a aimés nous a lavés de nos péchés par son sang ». Ainsi prend fin l'explication de la première demande « Que votre nom soit sanctifié » qui compose la quatrième partie de l'explication du Notre Père par saint Thomas d'Aquin. Cinquième paragraphe, l'explication de la deuxième demande « Que votre règne arrive » par saint Thomas d'Aquin. S'il fait une brève considération introductive sur le rôle du Saint-Esprit dans cette demande et une considération conclusive sur ce que, en demandant la venue du règne de Dieu, nous parvenions à la béatitude proclamée par le Seigneur « Bienheureux les doux », l'explication de cette demande par saint Thomas d'Aquin est principalement ordonnée autour de la réponse à la question « Le règne de Dieu a toujours existé. Pourquoi donc demandons-nous son avènement ?» Saint Thomas d'Aquin apporte trois motifs d'élever cette demande. D'abord, le règne de Dieu sous sa forme achevée suppose la parfaite soumission de toutes choses à Dieu. Ainsi, en cette demande, nous demandons trois choses, à savoir que les justes se convertissent, que les pécheurs soient punis, que la mort soit détruite. En second lieu, cette demande est motivée parce que le règne des cieux désigne la gloire du paradis. Quand donc nous demandons à Dieu que votre règne arrive, nous le prions de nous faire triompher de ses obstacles pour nous donner part à son royaume céleste et à la gloire du paradis. Or, ce royaume céleste est extrêmement désirable, détaillera saint Thomas d'Aquin, en raison de la souveraine justice qui y règne, de la très parfaite liberté qui est le partage de tous les élus, et à cause de la merveilleuse abondance de ses biens. Enfin, le troisième motif de demander à Dieu la venue de son règne, c'est que parfois le péché règne et triomphe en ce monde. Quand donc nous demandons la venue du règne de Dieu, nous demandons que ne règne plus en nous le péché, mais Dieu seul et pour toujours. Comme il a été dit, l'Esprit-Saint nous fait droitement aimer, désirer et demander ce qu'il convient d'aimer, de désirer et de demander, au premier paragraphe. Cet esprit produit en nous d'abord la crainte qui nous porte à rechercher la sanctification du nom de Dieu. Il nous accorde ensuite un autre don, le don de piété. La piété est proprement une affection tendre et dévouée pour un père et aussi pour tout homme plongé dans la misère. Comme Dieu est notre Père, nous devons donc non seulement le vénérer et le craindre, mais aussi nourrir pour lui une affection tendre et délicate. C'est cette affection qui nous fait demander l'avènement du règne de Dieu. La grâce de Dieu est apparue, déclare saint Paul, nous enseignant à vivre avec modération, justice et piété, dans le temps présent, dans l'attente de la bienheureuse espérance et de l'apparition glorieuse de notre grand Dieu. Mais on pourrait se poser la question, le règne de Dieu a toujours existé. Pourquoi donc demandons-nous son avènement? Il faut répondre à cette demande que votre règne arrive peut s'entendre de trois manières. En premier lieu, le règne de Dieu sous sa forme achevée suppose la parfaite soumission de toutes choses à Dieu. Il arrive parfois qu'un roi ne possède que le droit de régner et de commander. Cependant, il ne semble pas encore être roi effectivement, parce que ses sujets ne lui sont pas encore soumis. Il n'apparaîtra vraiment roi et seigneur que le jour où les sujets de son royaume lui obéiront. Sans aucun doute, Dieu par lui-même et par tout ce qu'il est maître de l'univers. Et le Christ, du fait qu'il est Dieu, et même en tant qu'homme, tient de Dieu d'être lui aussi le Seigneur de toutes choses. L'ancien des jours, est-il dit dans Daniel, lui a donné la puissance, l'honneur et la royauté. Il faut donc que tout lui soit soumis, mais il n'en est pas encore ainsi. Cela se réalisera à la fin du monde. Il est écrit en effet, il faut qu'il déploie son règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Voilà pourquoi nous demandons et nous disons que votre règne arrive. Et ce faisant, nous demandons trois choses, à savoir que les justes se convertissent, que les pécheurs soient punis, que la mort soit détruite. Les hommes sont soumis au Christ de deux manières. Ils le sont ou bien volontairement ou bien contre leur gré. La volonté de Dieu possède en effet une efficacité, telle qu'elle ne peut pas ne pas s'accomplir totalement. Et puisque Dieu veut que toutes choses soient soumises au Christ, il faudra nécessairement ou que l'homme accomplisse la volonté de Dieu en se soumettant à ses commandements, ce que font les justes, ou que Dieu réalise sa volonté sur tous ceux qui lui désobéissent, c'est-à-dire sur les pécheurs et sur ses ennemis, en les punissant. Et cela aura lieu à la fin du monde, quand il placera tous ses ennemis sous ses pieds, ainsi que l'évoque le psaume 109. Et c'est pourquoi il est donné aux saints de demander à Dieu la venue de son règne, c'est-à-dire leur totale soumission à sa royauté. Mais pour les pécheurs, la demande de la venue du règne de Dieu est propre à faire frémir, puisque c'est la demande de leur soumission au supplice requis par le vouloir divin. Malheur à ceux des pécheurs qui désirent le jour du Seigneur, dit Amos. L'arrivée du règne de Dieu à la fin des temps sera aussi la destruction de la mort. Le Christ, en effet, est la vie. Aussi, la mort, qui est contraire à la vie, ne peut exister dans son royaume. Conformément à cette parole dite aux Corinthiens, la mort, son ennemi, sera détruite en dernier lieu, c'est-à-dire lors de la résurrection, lorsque, suivant la parole de saint Paul aux Philippiens, le Sauveur transformera notre corps de misère pour le rendre semblable à son corps de gloire. Et c'est ainsi qu'il faut demander que votre règne arrive, parce que le règne de Dieu suppose la parfaite soumission de toutes choses à Dieu. Mais le règne des cieux désigne aussi la gloire du paradis, et c'est là le second motif pour lequel nous faisons cette demande. Il n'y a rien d'étonnant car règne ne signifie rien d'autre que gouvernement. Or, un gouvernement atteint son plus haut point d'excellence lorsque rien ne vient plus faire obstacle à la volonté de celui qui gouverne. Or, la volonté de Dieu est le salut des hommes, car Dieu veut les sauver tous, ainsi qu'il est dit à Timothée. Cette volonté divine s'accomplira surtout dans le paradis, où il n'y aura rien de contraire au salut des hommes. Car, dit le Seigneur, les anges mettront hors de son royaume tous les scandales. Dans ce monde, au contraire, abondent les obstacles au salut des hommes. Quand donc nous demandons à Dieu que votre règne arrive, nous le prions de nous faire triompher de ces obstacles, pour nous donner part à son royaume céleste et à la gloire du paradis. Et trois motifs rendent ce royaume extrêmement désirable. Le premier est la souveraine justice qui y règne. Parlant du peuple qui habite ce royaume, le Seigneur déclare en Isaïe qu'il ne sera composé que de justes. Ici-bas, les méchants sont mélangés aux bons. Mais là-haut, il n'y aura aucun méchant et aucun pécheur. Le deuxième motif pour lequel ce royaume est extrêmement désirable, c'est la parfaite liberté qui est le partage de tous les élus. Ici-bas, tous désirent la liberté, sans la posséder pleinement. Mais au ciel, on jouit d'une liberté pleine et entière, sans la plus petite servitude. La création elle-même, dit saint Paul, sera alors affranchie de l'esclavage de la corruption pour connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et non seulement tous les élus posséderont la liberté, mais ils seront rois. Selon cette parole de l'Apocalypse adressée à Jésus, de ceux que vous avez rachetés, vous avez fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Ils seront tous rois parce qu'ils auront avec Dieu une seule volonté. Dieu voudra tout ce que les saints voudront, et les saints voudront tout ce que Dieu aura voulu. Ils régneront donc tous parce que la volonté de tous se fera. Et Dieu sera leur couronne à tous, selon cette parole d'Isaïe. En ce jour, le Seigneur des armées sera pour le reste de son peuple une couronne de gloire et un diadème de joie. En troisième lieu, le royaume des cieux est on ne peut plus désirable à cause de la merveilleuse abondance de ses biens. L'œil n'a pas vu, dit Isaïe au Seigneur, hormis vous seul, ce que vous avez préparé à ceux qui vous attendent. Dieu, dit de son côté le psalmiste, vous comblera de biens selon votre désir. Et il faut remarquer ceci, l'homme trouvera en Dieu seul tout, il trouvera tout, beaucoup plus excellemment et plus parfaitement que tout ce qu'il recherche en ce monde. Si vous cherchez la délectation, vous trouverez en Dieu la délectation suprême. Si vous cherchez les richesses, en Dieu vous trouverez surabondamment tout ce dont vous aurez besoin et tout ce qui est la raison d'être des richesses. Et il en est de même pour les autres biens. L'âme qui commet cette fornication de s'éloigner de vous pour rechercher hors de vous des biens, ne trouve ses biens dans toute leur pureté et limpidité que si elle revient à vous, reconnaissait saint Augustin dans ses Confessions. Le dernier motif de demander à Dieu la venue de son règne, c'est que parfois le péché règne et triomphe en ce monde. Contre cette calamité, saint Paul s'est levé. Que le péché, disait-il aux Romains, ne règne pas dans votre cœur. Ce malheur arrive lorsque l'homme est ainsi disposé, qu'il suit aussitôt, sans résistance et jusqu'au bout, son inclination au péché. Dieu doit régner dans notre cœur, et il y règne effectivement lorsque nous sommes prêts à lui obéir et à observer tous ses commandements. Quand donc nous demandons la venue du règne de Dieu, nous demandons que ne règne plus en nous le péché, mais Dieu, seul et pour toujours. Par cette demande de la venue du règne de Dieu, nous parviendrons à la béatitude proclamée par le Seigneur, Bienheureux les doux. En effet, d'après la première explication, l'homme, du fait qu'il désire voir Dieu, reconnu maître souverain de tout, ne se venge pas de l'injure, mais réserve ce soin à Dieu. Car en se vengeant, il rechercherait son triomphe personnel et non la venue du règne de Dieu. D'après la deuxième explication de cette demande, si vous attendez ce règne de Dieu, c'est-à-dire la gloire du paradis, vous ne devez pas, perdant les biens de ce monde, vous laisser aller à l'inquiétude. De même, si dans la ligne de la troisième explication, vous demandez que règne en vous Dieu et son Christ, comme Jésus fut très doux, ainsi qu'il le dit lui-même, vous devez vous aussi être doux et imiter les Hébreux dont saint Paul a dit, ils acceptèrent joyeusement d'être dépouillés de leurs biens. Ainsi prend fin l'explication de la deuxième demande du Notre Père, que votre règne arrive. Deuxième demande, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Saint Thomas d'Aquin expose en trois points en quoi consiste cette volonté de Dieu. En premier lieu, Dieu veut pour nous la possession de la vie éternelle. En second lieu, la volonté de Dieu à notre égard est que nous observions ses commandements. Quelqu'un en effet désire-t-il un bien, la possession de la vie éternelle, non seulement il veut ce bien, mais il veut aussi tous les moyens nécessaires à son obtention. D'autre part, cette volonté de Dieu, l'observation des commandements, est accomplie dans les justes, mais elle ne l'est pas encore dans les pécheurs. Nous demandons donc

Nous préférons quitter ce corps, disait saint Paul, et aller jouir de la présence du Seigneur. En second lieu, ceux qui gardent les commandements du Seigneur pour obéir à la volonté de Dieu sont aussi dans l'affliction. Car si les préceptes sont doux pour l'âme, pour la chair, ils sont amers parce qu'ils la mortifient. Parlant de leur chair, le psalmiste dit des justes, ils s'en vont tout en pleurs. Et à propos de leur âme, il ajoute, ils viennent en exultant. En troisième lieu, nous avons parlé de la lutte incessante de notre chair et de notre esprit entre eux. Cette lutte est également un sujet de larmes. Il est en effet impossible que l'âme, dans ce combat, ne reçoive pas quelques blessures de la part de la chair, au moins celle des péchés véniels. L'obligation d'expier ses fautes lui est un sujet de larmes. Chaque nuit, c'est-à-dire aussi longtemps que durent les ténèbres de mes péchés, dit le psalmiste, de mes pleurs j'arroserai mon lit, c'est-à-dire ma conscience. Ceux qui pleurent ainsi parviennent à la patrie. Dieu daigne nous y conduire. Ainsi prend fin l'explication de la troisième demande du Notre Père, que votre volonté soit faite, par saint Thomas d'Aquin. L'explication de la quatrième demande, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il arrive fréquemment que la grandeur de sa science et de sa sagesse rende l'homme timide. Aussi la force est nécessaire à son cœur pour ne pas perdre courage dans la considération de ses besoins. Le Seigneur, dit Isaïe, donne la force, et aux êtres anéantis, il prodigue vigueur et courage. L'Esprit entra en moi, dit aussi Ézéchiel, et il me fit tenir fermement debout. L'Esprit Saint donne donc la force, et il la donne d'une part pour empêcher le cœur de l'homme de défaillir dans la crainte de manquer des choses nécessaires, et d'autre part pour lui faire croire fermement que Dieu lui accordera tout ce qui lui est nécessaire. C'est pourquoi l'Esprit Saint, dispensateur de cette force, nous apprend à dire à Dieu, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et on l'appelle l'esprit de force. Il faut savoir que dans les trois demandes précédentes du Notre Père, nous demandons des biens spirituels, dont la possession commencée en ce monde ne sera parfaite que dans la vie éternelle. En effet, demander à Dieu la sanctification de son nom, c'est demander la reconnaissance de sa sainteté. Demander l'avènement de son règne, c'est demander de nous faire parvenir à la vie éternelle. Prier pour que la volonté de Dieu se fasse, c'est prier Dieu d'accomplir en nous sa volonté. Tous ces biens, partiellement réalisés dans ce monde, ne le seront pleinement que dans la vie éternelle. Aussi est-il nécessaire de demander à Dieu quelques biens indispensables dont la possession parfaite est possible en la vie présente. C'est pourquoi l'Esprit Saint nous a appris à demander ces biens nécessaires à la vie présente et possédés ici-bas parfaitement. Et c'est aussi pour montrer que Dieu pourvoit à nos nécessités temporelles elles-mêmes qu'il nous fait dire « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Par ces paroles, Jésus nous a appris à éviter cinq péchés qui se commettent habituellement par un désir immodéré des choses temporelles. Le premier de ces péchés est que l'homme insatiable des choses qui conviennent à son état et à sa condition, et poussé par un désir déréglé, demande des biens qui sont au-dessus de sa condition. Il en est de lui-même comme d'un soldat qui voudrait s'habiller comme un officier, ou d'un clerc qui voudrait porter des vêtements d'évêque. Ce vice détourne les hommes des choses spirituelles, parce qu'ils attachent avec excès leur désir aux choses temporelles. Le Seigneur nous a enseigné à éviter un tel péché en nous apprenant à demander seulement du pain, c'est-à-dire les biens nécessaires à chacun en cette vie, suivant sa condition particulière. Ces biens nécessaires sont en effet tous compris sous le nom de pain. Le Seigneur ne nous a donc pas appris à demander des choses délicates, des choses variées, des choses exquises, mais du pain, sans lequel l'homme ne peut vivre et qui est la nourriture commune à tous. La première chose pour vivre, dit l'Ecclésiastique, c'est l'eau et le pain. Et l'apôtre écrit à Timothée, lorsque nous avons nourriture et vêtements, sachons nous contenter. Un deuxième vice consiste pour certains à commettre des injustices et des fraudes dans l'acquisition des biens temporels. C'est un vice très dangereux, parce qu'il est difficile de restituer les biens volés, et que d'après saint Augustin, un tel péché n'est pardonné si on ne restitue ce qui a été dérobé. Le Seigneur nous a enseigné à éviter ce vice en nous apprenant à demander pour nous, non pas le pain d'autrui, mais le nôtre. Les voleurs, en effet, mangent le pain d'autrui et non le leur. Le troisième vice consiste dans une sollicitude excessive pour les biens terrestres. Certains, en effet, ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils possèdent. Ils veulent toujours davantage. Pareille disposition d'esprit est un désordre, puisque le désir doit se régler sur le besoin. Seigneur, ne me donnez ni la richesse ni la pauvreté, disent les proverbes, mais accordez-moi seulement ce qui est nécessaire à ma subsistance. Jésus nous enseigne à éviter ce péché par ses paroles « Donnez-nous notre pain quotidien », c'est-à-dire le pain d'un seul jour ou d'une seule unité de temps. Le quatrième vice, causé par l'appétit démesuré des choses d'ici-bas, consiste en une insatiable avidité des biens terrestres, une véritable voracité. Elle est le fait de ceux qui veulent consommer en un seul jour ce qui pourrait leur suffire pour plusieurs jours. Cela ne demande pas le pain d'une journée, mais le pain de 10 jours. Dépensant sans mesure, ils en arrivent à dissiper tous leurs biens. Selon cette parole des proverbes, « Buveurs et gloutons se ruinent ». Et suivant cette autre parole de l'Ecclésiastique, « L'ouvrier ivrogne ne s'enrichit pas ». Le désir excessif des biens terrestres engendre un cinquième péché qui est l'ingratitude. Ce vice déplorable est le vice de l'homme qui s'enorgueillit de ses richesses et ne reconnaît pas qu'il les tient de Dieu, auteur de tous les biens spirituels et temporels. Selon cette parole de David, « Tout vient de vous, Seigneur, et ce que nous avons, nous le tenons de vos mains ». Pour écarter ce vice et nous apprendre que tous nos biens viennent de Dieu, Jésus nous fait dire « Donnez-nous notre pain ». Mais recueillons donc la leçon de l'expérience et de l'Écriture au sujet du caractère dangereux et nuisible des richesses. On constate que parfois tel ou tel possède de grandes richesses, sans en retirer aucune utilité, mais bien plutôt un dommage spirituel et temporel. Il y eut en effet des hommes qui périrent à cause de leurs richesses. Il est un mal que j'ai constaté sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Mal qui est fréquent parmi les hommes. L'homme à qui Dieu donne richesse, bien, honneur, il ne manque rien à son âme de ce qu'il peut désirer. Mais Dieu ne le laisse pas maître d'en jouir. C'est un étranger qui dévorera ses richesses. Il est un autre tort criant, dit encore l'Ecclésiaste, que je vois sous le soleil, les richesses accumulées par leur maître à son propre détriment. Nous devons donc demander à Dieu que nos richesses nous soient utiles. Lorsque nous disons « Donnez-nous notre pain », c'est cela même que nous demandons, à savoir que nos biens nous soient avantageux et que ne se vérifie pas pour nous ce qui est écrit du méchant au livre de Job. Sa nourriture deviendra dans son sein un venin d'aspi. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les arrachera de son ventre. Si nous revenons à ce vice d'une sollicitude excessive à l'endroit des biens terrestres, le troisième, nous voyons des hommes qui s'inquiètent aujourd'hui pour le pain d'une année entière. Et s'ils viennent à le posséder, ils ne cessent pas pour autant de se tourmenter. Mais le Seigneur leur dit, « N'allez donc pas vous inquiéter, et n'allez pas dire que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi nous vêtirons-nous. Aussi nous enseigne-t-il à demander pour aujourd'hui notre pain, c'est-à-dire à demander le nécessaire pour le moment présent. Il existe en plus du pain, nourriture du corps, deux autres sortes de pain, le pain sacramentel et le pain de la parole de Dieu. Dans l'oraison dominicale, nous demandons également notre pain sacramentel. Il est chaque jour préparé dans l'Église, et nous le recevons dans un sacrement en gage de notre salut futur. « Je suis, déclarait Jésus aux Juifs, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ce pain et boit le Seigneur de façon indigne mange et boit sa propre condamnation. » Nous demandons également dans l'oraison dominicale cet autre pain qu'est la parole de Dieu. C'est de ce pain que Jésus a dit « L'homme n'y vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De cette parole, de ce Verbe de Dieu, provient pour l'homme la béatitude, qui consiste dans la faim et la soif de justice. En effet, lorsqu'on possède les biens spirituels, on les désire davantage, et ce désir aiguise l'appétit et la faim, qu'assouvira le rassasiement de la vie éternelle. Dans ce commentaire, saint Thomas d'Aquin établit ainsi que le Saint-Esprit, par la quatrième demande du Notre Père, nous fait obtenir l'aide de Dieu contre cinq péchés. En demandant du pain, nous demandons les biens simplement nécessaires en chacun, en cette vie, suivant sa condition particulière, et non les biens qui sont au-dessus de notre condition. En demandant le pain qui est nôtre, nous évitons les injustices et les fraudes qui caractérise souvent l'acquisition des biens temporels. En demandant le pain de ce jour, nous combattons contre l'excessive sollicitude des biens temporels, ainsi que l'insatiable avidité qui nous attache à eux. En demandant à Dieu qu'il nous donne, nous évitons l'ingratitude. D'autre part, cette demande contient aussi le désir que les biens dont nous avons l'administration nous soient utiles, ainsi qu'elle forme en nous le désir du pain sacramentel et de la parole de Dieu. Cinquième demande, et remettez-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons à nos débiteurs. On rencontre des hommes, grands par la sagesse et le courage, qui cependant, à cause de leur excessive confiance dans leur force, n'effectuent pas leur ouvrage avec sagesse, et ne conduisent pas jusqu'à leur achèvement ce qu'ils s'étaient proposé. Ils semblent ignorer que les conseils donnent de la force aux réflexions, comme l'enseignent les proverbes. Mais remarquons-le, l'Esprit-Saint, s'il donne la force, donne aussi le conseil. Car un bon conseil relatif au salut de l'homme ne peut venir que du Saint-Esprit, et c'est le cas de cette cinquième demande. Le conseil est nécessaire à l'homme quand il est soumis à la tribulation, tout comme le conseil des médecins lui est utile lorsqu'il est malade. C'est pourquoi un homme est-il spirituellement malade par le péché, il doit pour guérir demander conseil. Et David montre que le conseil est nécessaire au pécheur. Lorsqu'il dit au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, agrée mon conseil, rachète tes péchés par des aumônes. » Le conseil de faire l'aumône et d'exercer la miséricorde est un excellent conseil pour effacer les péchés. Aussi est-ce bien l'Esprit-Saint qui apprend à des pécheurs cette prière de demande « Remettez-nous nos dettes » en y ajoutant « comme nous-mêmes nous remettons à nos débiteurs ». Par ailleurs, nous devons à Dieu d'une dette véritable ce à quoi il a droit et que nous lui refusons. Or, le droit dont Dieu exige le respect, c'est l'accomplissement de sa volonté, préférée à notre volonté propre. Nous portons atteinte au droit de Dieu quand nous préférons notre volonté à la sienne. Et c'est en cela que consiste le péché. Ainsi nos péchés sont des dettes à l'égard de Dieu. Et c'est du Saint-Esprit que nous vient le conseil de demander à Dieu le pardon de nos péchés, et de dire très justement « Remettez-nous nos dettes ».

Dans ce monde, en effet, les saints sont affligés. Tous ceux, dit saint Paul, qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus, connaîtront la persécution. Cependant, Dieu accorde parfois à tel ou tel de n'être pas affligé par le mal. Quand, en effet, il le sait incapable de supporter l'épreuve, il agit comme un médecin qui évite de donner à un grand malade des médecines violentes. Voici, dit le Seigneur, que j'ai mis devant toi une porte ouverte, que nul ne peut fermer, et ce, à cause de ton défaut de vigueur. Dans la patrie céleste, il en va tout autrement. Nul n'y est affligé. C'est la loi générale pour tous les élus. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, est-il dit dans l'Apocalypse. Et jamais ne les accablera le soleil, ni aucun vent brûlant. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. En second lieu, Dieu nous délivre du mal par l'octroi des consolations au temps de l'affliction. Privé de ces divines consolations, l'homme ne pourrait subsister au milieu des épreuves. Nous sommes, dit saint Paul, accablés au-delà de toute mesure, au-delà de nos forces. Et il ajoutait, mais Dieu nous a consolés, lui qui réconforte les humbles. Vos consolations réjouissent mon âme, chantait aussi le psalmiste, à proportion des douleurs surabondantes de mon cœur. En troisième lieu, Dieu comble les affligés de tant de bienfaits qu'ils en viennent à oublier leurs maux. Après la tempête, disait Tobie, vous ramenez le calme. Ainsi, nous ne devons pas craindre les afflictions et les tribulations du monde. Elles sont en effet facilement supportables à cause des consolations que Dieu y mêle et à cause de leur brève durée. La légère tribulation d'un moment, dit en effet saint Paul, nous prépare, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, car elle nous fait effectivement parvenir à la vie éternelle. En quatrième lieu, et pour étendre l'idée du mal à tous les maux, Dieu tire du bien de tous les maux, tentations et tribulations. Ainsi Jésus ne nous fait pas dire « délivrez-nous de la tribulation », mais « délivrez-nous du risque de mal véritable qu'elle porte avec elle ». Les tribulations sont en effet données aux saints pour leur bien, pour leur faire mériter la couronne de gloire. C'est pourquoi, loin de demander d'être délivrés des tribulations, les saints font leur les paroles de l'apôtre. Non seulement nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, mais nous nous glorifions encore dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la constance. Et il répète la prière du livre de Tobie. Au temps de la tribulation, Dieu de nos pères, vous pardonnez les péchés de ceux qui vous invoquent. Dieu donc délivre l'homme du mal et de la tribulation en transformant tribulation et mal en bien. Et c'est là le signe d'une sagesse consommée, puisqu'en effet, il appartient au sage d'ordonner le mal au bien. Dieu y parvient en donnant à l'homme la grâce d'être patient dans ses tribulations. Les autres vertus se servent des biens, mais la patience est seule à tirer profit des maux. Eux seuls donc la rendent nécessaire. C'est pourquoi sa nécessité apparaît seulement au milieu des maux, c'est-à-dire dans les adversités. Nous lisons en effet dans les Proverbes « La sagesse d'un homme, vous la reconnaîtrez, à sa patience, qui lui fait ordonner le mal au bien. » C'est pourquoi l'Esprit-Saint nous fait adresser cette demande au Père par le don de la sagesse. Grâce à ce don, nous parvenons à la béatitude, à laquelle nous ordonne la paix. La patience, en effet, nous assure la paix dans l'adversité comme dans la prospérité. C'est pourquoi les pacifiques sont appelés « fils de Dieu ». Ils sont en effet semblables à Dieu. À eux comme à Dieu, rien ne peut nuire, ni la prospérité, ni l'adversité. Bienheureux donc les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. Le mot Amen est la réaffirmation générale des sept demandes de l'oraison dominicale. Deuxième et dernière partie, explication abrégée de l'oraison dominicale. Pour avoir un aperçu général sur l'oraison dominicale, il suffit de savoir qu'elle contient tout ce que nous devons désirer et tout ce qu'il nous faut fuir et éviter. Or, parmi les biens désirables, le plus désiré et aussi le plus aimé, c'est Dieu. C'est pourquoi notre première demande, que votre nom soit sanctifié, est une demande de la gloire de Dieu. De Dieu, vous attendez pour vous-même trois biens. Le premier est l'obtention de la vie éternelle. Cette vie éternelle, vous la sollicitez par la demande que votre règne arrive. Accomplir la volonté de Dieu et sa justice est le deuxième des biens que vous désirez pour vous-même. La prière que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel est la demande de ce deuxième bien. Le troisième bien que vous voulez pour vous-même consiste en la possession des choses nécessaires à votre vie. La possession de ces choses, vous la sollicitez par cette prière « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Une parole du Seigneur citée par saint Matthieu se rapporte à ces trois objets de nos désirs, qui sont le royaume de Dieu ou la vie éternelle, la volonté de Dieu et sa justice, les biens nécessaires à la vie d'ici-bas. Cette parole la voici, « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice ». Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Elle correspond exactement dans ces trois parties aux trois objets de nos désirs énumérés plus haut, et que sollicitent les deuxième, troisième et quatrième demandes de l'oraison dominicale. Ensuite, nous avons dit que le Notre Père contient également tout ce que nous devons fuir et éviter. Et il nous faut fuir et éviter ce qui est contraire au bien. Le bien est ce qu'en toute chose nous désirons d'abord. Nous venons d'énumérer les quatre biens que nous désirons. Le premier est la gloire de Dieu. À ce bien, aucun mal ne s'oppose. Si tu pèches, dit le livre de Job, en quoi nuis-tu à Dieu? Si tu multiplies les offenses, lui fais-tu quelque mal? Si tu es juste, que lui donnes-tu ou que reçoit-il de ta main? En effet, la gloire de Dieu résulte et du mal en tant que Dieu le punit et du bien en tant qu'il le récompense. Le deuxième bien objet de nos désirs est la vie éternelle. À elle s'oppose le péché. Par le péché, en effet, nous perdons la vie éternelle. Aussi, pour repousser le péché, nous disons « Remettez-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons à nos débiteurs. » Le troisième bien consiste dans la justice et les bonnes œuvres. La tentation s'oppose à l'une et l'autre. En effet, les tentations nous empêchent d'accomplir le bien. Et pour les repousser, nous disons « Et ne nous laissez pas succomber à la tentation. » Le quatrième bien désiré de nous comprend les choses nécessaires à notre vie terrestre. À elles sont contraires les adversités et les tribulations. C'est pourquoi nous en demandons l'éloignement par cette prière, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Par ce dernier enregistrement prend fin l'explication du Notre Père par saint Thomas d'Aquin.